Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc à partir de ce jour, on va rentrer dans un nouveau bab, toujours dans le kitab de fiqh, dans bab mutafarriqat fil fiqh, c'est-à-dire les sujets divers dans le fiqh, c'est-à-dire des choses non classées en un sujet précis, et différentes masail, questions relatives aux règles de la religion dans le fiqh. Et apparemment, il y avait le kitab de hajj, je préférais ne pas le faire, du fait que moi-même je n'ai pas fait le hajj. Nas'al Allah an yaftah alayna bi hajjin mabrour. Et lana wa lakum. Et étant donné que je ne l'ai pas fait, il y a des choses qui ne sont pas vraiment, on va dire, qui sont plus dures à assimiler, bien que le hajj, tout le monde dit qu'il est facile. Il y a quand même les machia, quand ils l'expliquent, ils disent que celui qui n'a pas fait le hajj, lorsqu'il écoute les hadiths, les masaïl, ils imaginent que c'est une chose qui est immense. Alors qu'en réalité, celui qui le fait voit que c'est facile. D'accord, mais étant donné que je ne l'ai pas fait, que je n'arrive pas à concevoir le lieu, le déroulement des choses, je ne vais pas me permettre de commenter ou de lire ce qui y touche dans ce qui livre. Alhamdoulilah, il y a d'autres durous qui ont été faits, comme le frère Mounir, il a fait des durous sur le hajj, les règles du hajj, et les alika. Donc ceux-là, ceux qui veulent avoir plus de renseignements, qu'ils y reviennent. Fi kifaya, là où, inshallah. Taïb. Thumma qala fi su'al. 1008e question. Donc là, on a passé un certain nombre de questions. On est passé à 1008e question. Qala ma hukm man baddala din al-islam bi din akhar. Maintenant, c'est quoi le jugement de celui qui aura changé de religion? D'accord? On appelle ça un apostat. Qala kafirun murtad wa haddu al-qatl. Lui, c'est un mécréant apostat et la sentence qui lui est appliquée, c'est la peine de mort. D'accord? Qu'il soit quelqu'un qui renie l'islam et qu'il ne choisisse aucune autre religion ou qu'il devienne Nasrani ou qu'il devienne Yahoudi ou autre, celui qui sort de l'islam, d'accord, il est apostat, il n'a pas le droit en islam, on l'exécute. Maintenant, ça c'est dans un pays où la charia est appliquée, c'est le gouverneur qui s'en occupe, bien évidemment. Et dans le dalil, c'est le hadith d'Ibn Abbas, « An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man badala dinahu faqtulo. » Celui qui a changé sa religion, alors tuez-le. Rapporté par le Bukhari. Et c'est comme ça. Des gens essaient de se plaindre, essaient de trouver des choses que la religion elle est rude, ce genre de choses. Là, c'est comme ça le hukm d'Allah Azza wa Jal, celui qui apostasie, et c'est parmi les annulatifs de l'islam, lui est exécuté. Et ça revient aux mains pour celui qui aura commis un acte, justement, qui annule l'islam. Même si c'est dit musulman, il aura commis un acte qui annule l'islam, son jugement est le même. Que lui, même si lui ne le reconnaît pas, nous on marche aux preuves et non pas à l'aveu des gens ou ce qu'ils disent. Que des fois les gens s'imaginent être musulmans alors qu'ils ne le sont pas. Il dit moi je suis musulman, il fait du shirk à longueur de temps, il insulte Allah Azza wa Jal, d'accord, il tombe dans un wak de l'islam et après il dit je suis musulman. On dit non, t'es pas musulman. Soit tu fais tawba et tu reconnais ton erreur, ou soit alors t'es exécuté. Et certains disent que même certaines erreurs, on ne demande pas forcément de faire tawba, on l'exécute directement. Allahu ta'ala alim. Yani afouen, plutôt on demande de faire tawba, mais malgré tout on exécute. Non, c'est ça que je voulais dire en fait. On demande de faire tawba, d'accord, même si la personne fait tawba, il y a des choses on exécute quand même. Comme par exemple la sorcellerie. Et le ulama il voit que même si la personne fait tawba, on l'exécute quand même. Thumma qal, fi suwal alf batisamiya, batisa, ou alf batisa, 1009e question. Hal yushtarat rida al-mar'a fi nikahiha. Est-ce qu'il est conditionné que la femme donne son agrément pour la marier? Et na'am, ça c'est évident, d'accord, que la femme a son accord à donner, qu'elle soit une bikr, une jeune vierge, ou alors une divorcée, ou une veuve, ou quelqu'un qui a déjà été marié, son agrément, son accord est obligatoire pour que le mariage soit rendu valide. On ne la marie pas de force. Wa dalil hadith Abi Huraira an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la tunkihu al-bikr hatta tusta'zan. Donc on ne marie pas une femme vierge jusqu'à ce que on lui demande la permission. Et bikr en arabe, c'est pas seulement vierge du fait qu'elle n'a jamais eu de rapport, c'est une qui n'a jamais été mariée. Une femme qui n'a jamais été mariée, c'est une bikr shara'an. Wala thayyib hatta tustamar. Et ni non plus, on ne marie pas une femme qui a déjà été mariée tant qu'elle ne l'a pas demandé. Wa qila ya Rasulullah kayfa iznuha? Qala iza sakatat. Et ils disent maintenant, c'est quoi la permission de la bikr? Ils disent si elle garde le silence. C'est-à-dire, on lui propose un homme en mariage et elle garde le silence par pudeur. Le fait qu'elle garde le silence, cela est considéré comme étant un accord. Et si elle ne veut pas, elle dit non, je ne veux pas. Mutafakun alayhi. Qala fi su'al 1010. 1010e question. Mahad Zani El Mursan. Maintenant, c'est quoi la sentence, celui qui aura forniqué et qui aura déjà connu un mariage légiféré. On dit Yurjem bil hijara hatta yamut. Lui, on le lapide à mort. On le lapide à mort. Et c'est ça le jugement de l'islam également. Et même si les versets dans le Coran ne sont plus présents, ils ont été abrogés par rapport à la prononciation, mais le jugement reste effectif. Et des hadiths le montrent. Comme le hadith de Jabir ibn Abdillah, il y a quoi Rajama al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rajulan min Aslama wa Rajulan min al-Yahud wa Mur'ata. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a lapidé un homme et également un juif ainsi que sa femme, rapporté par musulman. Et d'autres hadiths sont venus que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà lapidé. D'accord? Pour la fornication. Et cette fornication n'est établie que soit par aveu de la personne ou soit par témoignage de quatre témoins qui ont vu l'acte clair, c'est-à-dire qu'ils ont vu la pénétration, c'est-à-dire ils ont vu le pénis de l'homme à l'intérieur du vagin de la femme. Et non pas une simple position de loin ou des bruits ou ce genre de choses. Ils ont vu la chose clairement et les quatre l'ont vu. Clairement. Non. Et certains disent qu'aussi la grossesse, une grossesse sans mariage. Mais ça, c'est une sujet de divergence. ثم قال في السؤال 1011 1011e question Mahad Zani Ghal Mursan. Maintenant, c'est quoi la sentence pour celui qui a forniqué mais qui n'aura pas connu le mariage au préalable. Lui, Yujlad Miyat Jalda, Yugharab Ma'aman. Lui, on le flagelle sans coup de fouet et il est expulsé de la terre où il vit durant un an. En guise de punition. Waddalil Kuru Ta'ala. الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذ من بهما ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. Donc il dit le fornicateur, la fornicatrice, alors fouettez-les tous les deux, c'est-à-dire sans coup de fouet, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu de mariage auparavant, et que vous ne soyez pas pris de miséricorde, de compassion dans l'âge d'Allah, c'est mieux vous êtes croyant en Allah et au jour dernier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire oh, les pauvres ou avoir de la tristesse pour eux. C'est lorsqu'une sentence est appliquée, on doit être content. D'accord ? Quand on souhaite que la personne se repente, on doit être content de cela. Et ne pas se dire les pauvres, c'est dur, c'est difficile. C'est une chose qu'Allah Azzawajal a décrété. Et hadith Zayd ibn Khalid, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, annahu amara fi man zana wa lam yuhsan bi jald miyah wa talghib am. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné pour celui qui aura commis la fornication sans avoir été marié, qu'il soit flagellé 100 fois ou qu'il soit expulsé pendant un an. Muttafaqun alayh. Également, ces sentences-là, on le répète, on le redit, c'est le gouverneur qui les applique. Pas n'importe qui. C'est le gouverneur qui les applique. Thumma qala fi su'al alf wa thana ashar. 1012e question. Mahad al-Sadiq, qui est la sentence du voleur. Ça c'est connu que sa main elle est coupée, on lui coupe la main. Wa dalil qawlihi ta'ala wa sadiqu wa sadiqatu faqta'u aydihuma jazan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Que le voleur ainsi que la voleuse coupez leur la main pour ce qu'ils ont accompli en guise de sentence d'Allah azza wa jalla. Et Allah est puissant et sage. Al-Ma'idah la table de sa vie, verset 38. Et il y a des conditions bien évidemment, que faut que la personne ait volé une certaine valeur qui revient à Axel une robe de dinar, puis d'un cœur de dinar, je ne sais pas combien ça fait en monnaie actuelle, et également qu'il faut qu'il ait pris la chose de son lieu où elle était cachée, min hijdi, un lieu où à la base la personne, son propriétaire, l'a mis à l'abri. Lui il est venu la voler quand même. À ce moment-là, on lui coupe la main si on l'attrape. Et d'autres conditions également. Que ce soit pas par exemple pendant une période de famine où les gens sont en train de subir la faim, ce genre de choses. Non. Thumma qal fi su'al 1013e question, mahad sharib al-khamr. Maintenant quelle est la sentence, celui qui boit de l'alcool. Yujlad 40 jalda, qu'on le flagelle 40 fois. On le flagelle 40 fois. Auparavant, c'était également la peine de mort au bout de 3 fois. Après ça a été abrogé. Donc le hadith de Anas ibn Malik, radi anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam utiya bi rajulin qad shariba al-khamr fa jaradahu bi jaridatayn nahwa 40 qalu wa fa'aluhu Abu Bakr. Qala wa fa'aluhu Abu Bakr. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on lui a amené un homme qui avait bu de l'alcool. Donc il a pris deux ce sont des branches de palmier et il a fouetté avec 40 fois. Et également, que Abu Bakr Siddiq, il l'a fait. Il a appliqué cette sentence également, apportée par Al-Bukhari et Muslim. Qala fi su'al alf wa rabi'a ashar. 1014e question. Hal yajuzu akl al-jarad? Est-il permis de manger de la sauterelle? On dit na'am. Faqad akalahu al-sahaba fi ba'd al-ghazawat. Que les sahaba en ont mangé durant certaines batailles. Comme dans le hadith d'Abdullah ibn Abi Awfa, radiallahu anhu, qala ghazawna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sab'a ghazawat na'kulu al-jarad. Nous avons fait cette bataille avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous avons mangé les sauterelles. Muttafaqun alayhi. Donc c'est une chose qui est permise. Il se peut que ça répugne certaines personnes, c'est leur droit, mais c'est une chose qui est permise. D'accord ? On ne dit pas forcément que c'est une sunnah, car c'est une chose que les sahaba ils ont fait dans la contrainte. Dans la contrainte, ils l'ont fait. Mais dire que c'est une sunnah, ça c'est un terme qui est un peu large quand même. D'accord ? Mais c'est une chose qu'ils ont été contraints de faire. Et ils ont également mangé des feuilles des arbres. Tellement ils ont connu la faim qu'ils ont mangé des feuilles des arbres. Est-ce qu'on va dire que c'est une sunnah ? C'est pas une sunnah. C'est une chose qui a été faite par la contrainte. قال هل يجوز السؤال 1015 1015e question هل يجوز أكل الضبع est-il permis de manger de la hyène? On dit non, cela est permis car à la base la hyène c'est un fauve, c'est un prédateur qui a des crocs et ces animaux là il est interdit d'en manger à la base, mais il y a exception faite pour la hyène comme dans le hadith de Ibn Abi Ammar قال قلت لجابر الضبع سيد هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت له أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم qui l'a dit à Jabir est-ce que la hyène est du gibier il a dit oui je dis est-ce que je peux en manger il a dit oui il a dit est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit cela il a dit oui apporté par Tirmidhi ثم قال في السؤال 1016 1016e question هل يجوز أكل ذبيحة الذي ou lati, la musamallahu alayha. Est-il permis de manger ce qui a été égorgé sur lequel le nom d'Allah n'a pas été prononcé? Et on dit là, même s'il a été égorgé et que le nom d'Allah n'a pas été prononcé, on ne mange pas cette viande-là. Qal wa dalil qawlu ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alayhi wa innahu la fiskun. Et ne mangez pas de ce dont le nom d'Allah n'a pas été prononcé dessus, car cela est de la perversion. Al-an'am, les bestiaux verset 121. Maintenant, c'est un péché pour celui qui l'aura délaissé volontairement. Et celui qui l'aura oublié, il n'a pas de péché sur lui. Cependant, il y a un khilaf. Et Durlama dit que la viande est mangeable et le plus prudent est de ne pas en manger. Le plus prudent est de ne pas en manger. On a fait le bien d'Al-Qadr. Walhamdulillah Rabbil Alamin.